afin de vous raconter, s'il ne me restait qu'un repère, ça serait la famille. S'il me restait qu'une chance, ça serait la faillite. S'il me restait qu'un souvenir, ça serait l'enfance, malgré l'absence de cadeaux de Noël en fin décembre. S'il ne me restait que mes yeux pour pleurer, j'avancerais la tête haute, le cœur et les dents serrées. S'il ne me restait qu'une phrase à prononcer, je la crierais le poing en l'air et les sourcils froncés. S'il ne me restait qu'un album pour convaincre, sûr de moi je prendrais le pari à 10 contre 1. Parce qu'il me reste de la force, je suis encore là. S'il me restait qu'un mois à dire, ça serait une chagra. Je vivrais en plein cauchemar. S'il me restait qu'un euro, je finirais dollar. S'il ne me restait que l'amour, j'serais mal à l'aise, car j'ai du mal à l'exprimer dans l'art et la manière. S'il ne me restait qu'une page sur mon cahier, j'irais tout droit vers l'essentiel sans pouvoir détailler. S'il ne me restait qu'un but pour la victoire, ça serait dans le tas additionnel, un shoot en pleine lucarne. S'il ne me restait qu'un choix, qu'une rime, une voix, une ligne, je me fierais à mon instinct de survie. Il ne me reste qu'un rune, j'ai l'œil du tigre. J'espère que c'est pas le dernier chapitre avant la fin du livre. Et s'il me restait plus qu'un pote, ça serait mon rap. C'est le seul à me comprendre et à me remonter le moral. S'il me restait qu'un morceau, ça serait celui-là. La parenthèse se ferme, il marche plus que le point final. Personne nous empêchera d'y croire. Je ferai...